donc un peu les filles. Allez, on va. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de VRIG pour écouter l'émission Johnny de A à Z tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Je suis très heureux de vous retrouver ici. Installez-vous, parlez-en encore autour de vous, hein. Ils sont encore prêts, ils peuvent encore être présents pour cette émission. Et puis ceux qui écoutent le podcast, bienvenue à vous aussi pour écouter cette nouvelle émission, la 489e émission qui est intitulée Bonne fête, Eric. Oui, c'est moi, Eric, votre présentateur de l'émission Johnny de A à Z, comme presque tous les mercredis. Et aujourd'hui, spécialement pour cette émission. Oui. C'est ma fête, je fais ce qui me plaît, ce qui me plaît, ce qui me plaît. J'ai décidé ce soir de m'amuser. Non, on ne va pas écouter du Richard Anthony tout au long de la soirée. Non. On va écouter des chansons que j'aime bien, mes titres. Préféré. C'était à l'occasion de l'émission Podcast 51, présentée par Francis Chaillet et Jean-François Chenu, qui demandait à des auditeurs, ou même à eux aussi, de concocter la playlist idéale, en quelque sorte, les 50 meilleurs titres. Eh bien, moi, ce soir, je vous propose mes 30 meilleurs titres. Cette liste a été faite en juillet de l'année 2021, et je vous la présente ici, aujourd'hui, le 18 mai 2022. On va avoir de tout, hein. Ça sera surtout une émission surtout live. On va retrouver des lives officiels, des lives Tipiak, pirate si vous préférez, hein. Nous aurons aussi des versions studio parce qu'il y a quelques chansons qui n'ont jamais été en live. On écoute. C'est ma fête, je fais ce qui me plaît, ce qui me plaît. Je fais ce qui me plaît. Ce qui me plaît. J'ai décidé ce soir de Je vais vous présenter ce classement dans l'ordre croissant, donc de la 30e place jusqu'à la 1ère place. Et pour commencer cette émission, eh bien on va commencer tout de suite par... Oui, il y en a un qui avait trouvé, hein, qu'on va écouter du pavillon Porte de Pantin ce soir. Non, il n'y aura que deux titres de ce live-là. On va commencer par le titre « Derrière l'amour », extrait donc du pavillon de Paris, Porte de Pantin. Bonne soirée à toutes et à tous sur l'écoute de VRIG dans l'émission Johnny de A à Z. Derrière l'amour, il y a toute une chaîne de pourquoi. Question que l'on se pose. Il y a des tas de choses, des pleurs qu'on garde sur le cœur, et des regrets et des rancœurs, des souvenirs éblouissants et des visions des nuits. Donne-moi ton cœur pour y vivre et pour y mourir. Derrière ton amour, qu'est-ce qu'il y a? Qui est cette femme auprès de moi?

rock'n'roll pour moi plus dynamique en gros que les versions que nous avait proposé John Hadid au Palais des Sports en 1976. Ce soir, c'est ma fête. Je fais ce qui me plaît, donc je vous dévoile des titres que j'aime bien, de mes titres préférés de John Hadid pour le moment, parce qu'évidemment, une liste peut changer à tout moment, d'un mois sur l'autre, ça peut changer, bien entendu. Et là, je vous ai dit, je vous délivre une playlist qui a été fixée en juillet 2021. Pour le titre suivant, à la 27e place, je vous propose un titre de John Hadid, extrait de l'album Pas Facile en 1981, avec le titre La reprise de Bob Seger, toujours le même. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve à nouveau John Hadid en live au Palais des Sports de Paris en 1982 lors de ce Fantasme Hallyday et un titre extrait de l'album La Peur de 1982. Voici Le Survivant. Bien sûr, live. ceux qui sont tombés. C'est le survivant. Je suis le survivant. Je suis le survivant. Je suis prêt à vivre et tuer pour survivre. Je suis le survivant. Je suis le survivant. Je suis le C'est le rendez-vous du mercredi soir dans l'émission Johnny de A à Z, ici sur RIG, le mercredi de 22h jusqu'à minuit. Et aujourd'hui, vu que c'est ma fête, je fais ce qui me plaît. Donc je vous propose un petit classement de chansons que parmi les chansons préférées de Johnny Hallyday, dont ce titre qui est extrait de l'album Mon pays c'est l'amour, voici 4 mètres carrés. Ce foutu bris de clé me donne envie de tuer. J'ai des souvenirs de ciel, oh, de moins en moins réels. J'ai des rêves de grand voile, soleil et d'étoiles. 4 mètres carrés des poussières, c'est la dimension de l'enfer. Ouais. 4 mètres carrés des poussières, c'est la mesure de ma misère. Des envies de ville et de fumée d'usine. J'ai des désirs d'alcool, des descentes en sous-sol, l'aventure de naufrage dans des pays sauvages. De filles fascinantes et faciles. 4 mètres carrés des poussières, c'est la dimension de l'enfer. Ouais. 4 mètres carrés des poussières, c'est la mesure de ma misère. Quatre mètres carrés des poussières, c'est la dimension de l'enfer.

retrouver entre les arbres de ma forêt, près de notre hier. Ouais. Loin de cette ville. Surtout, loin de cette ville. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On va surtout écouter des titres en live, que ce soit des lives officiels ou des, à la rigueur, des bootlegs, comme celui-ci, du moins un enregistrement radio. John Hallyday qui chante à Béziers. C'était sur l'antenne, il me semble, de, je sais plus si c'était Europe 1, RTL ou France Inter. Enfin, quoi qu'il en soit, voici le titre, Prends ma vie. C'était la face B du 47 tours, Prends ma vie. C'est le titre suivant. Voici Trop belle, trop jolie. Je l'ai aidé toujours en 1974. Thank you. C'est une invitation. Ta démarche, une provocation. Trop belle, trop jolie. Tu vas trop loin, tu joues avec ma vie. Attention, tu la cherches. Tu allumes des feux, tu ne les éteins pas. Et mon cœur a mal à cause de toi. Trop belle, trop jolie. Tu vas trop loin, tu joues avec le feu. Attention, si tu me cherches, tu finiras par me trouver. Me trouver. Attention, si tu me cherches. À la 22e position de ce classement, voici Aimer Vivre, John Hayde, à la fête de l'humanité en 1985, le 15 septembre. Rien n'a plus d'importance, rien ne sert. de vivre. Je veux te voir aimer. Je veux te voir aimer. Je veux te voir aimer. Je veux te voir aimer. Aimer vivre. La fête de l'humanité pour aller du côté de La Rochelle en 1991, exactement le 14 juillet, et retrouver le titre Cadillac. Kids 1991 dans ce classement pour arriver en 1969 avec Je n'ai pas pu croire. Je n'ai pas compris sa lettre. Oh, oh non. Les mots étaient effacés. De tout son être, oh. Il vivait de ma vie. Quand je lui disais peut-être, son cœur entendait oui. Position, retrouvez le titre « Je n'ai pas voulu croire » et version live, car souvent, la plupart du temps, hein, les titres de Johnny Hallyday chantés en live sont nettes de qualité supérieure à celle qu'on pourrait écouter sur un album. Quoique, il y a une version qu'on va écouter qui, j'ai préféré la version studio à la version live. On va retrouver un très bon album maintenant, l'album « Insolitude ». Il y aura plusieurs titres sur cet album-là dans ce classement, d'où le premier. Voici « La Solitude » datant de 1973. « était belle, elle était bleue, sûr qu'elle n'aurait pas froid aux yeux. Dans mes traversées du désert, elle mangerait la terre. Elle m'a regardé dans ses rétro, c'était bien plus fort que des mots. J'ai dit, si je pars sans elle de Los Angeles, que les anges me laissent. Repose en paix, repose en paix. Sur le Pacific Coast Highway, derrière nous les sirènes hurlaient. Et quand les flics nous arrêtaient, je leur parlais français, ouais. C'était mon Amérique à moi. Traîner où j'entrais pas, elle ressortait par où je sais pas, mais toujours avec moi. Repose en paix, extrait de l'album Ce que je sais, de, oui, composé par Pascal Obispo, tout l'album en 1998, une chanson qui permet, oui, de gueuler. Voilà, hein, on a un trop plein d'énergie, et ben voilà, on écoute cette chanson-là, et on, voilà, tac, on lâche tout. Prochain titre que je propose d'écouter, c'est extrait toujours de l'album Insolitude, sorti en 1973, et je vous parlais d'un titre que j'ai préféré à la version studio à la version live, c'est le titre La prison des orphelins, le duo John Hallyday et Michel Mallory. Ils ont construit une prison. s'embrasser n'a pu me faire tout oublier. J'ai dans la bouche un goût amer. Dès que je touche un peu de terre, salut, c'est Johnny. Johnny en live. On repart en live en 1992 avec ce titre extrait de l'album Ça ne change pas un homme de 1991. Voici le très beau titre La guitare qui fait mal, qui est à la 16e position. Je rappelle que ce soir, c'est ma fête et je fais ce qui me plaît. Je vous diffuse une petite playlist de 30 chansons, mes préférées de Johnny Hallyday. Alors évidemment, ça peut changer d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre. Ce classement date de juillet 2021. C'était pour l'émission Podcast 51, présentée par Francis Chaillet et Jean-Claude Chenu, Jean-François Chenu. Sur sa guitare, au fond, un vieux café. Un peu de soleil sur le goudron mouillé. Et les gens s'en vont, le jour va se lever. C'est la dernière chanson d'un amour. Il y a la guerre quelque part, et loin du café, comme un amour bizarre, il ne peut jamais rentrer, tout ça est normal, et la guitare fait mal. Quand il jure les plus, elle demande chaque soir la même chanson, la même chanson qui est toute son histoire. Et c'est son parfum qui traîne dans. La guitare fait mal. Y a pas si longtemps. présent 1971. Et le titre, Si tu parles la première, extrait de l'album Flagrant délit de 1971. 1971, très belle année, très belle année. Si tu parles la première, je t'adresse ma prière. Si tu t'en vas la première, ne me laisse pas en arrière. Si tu parles la première, 15e position, voici à la 14e, et encore extrait de l'album Flagrant délit de 1971. Hommage à Sarah, sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Encore. protège ton corps. Si tu crois que je vis dépenser mes nuits blanches, si tu crois que je suis un oiseau sur ta branche, tu es une illusion. Car tout change et tout casse et tout passe et tout lasse. Le désir, le plaisir se diluent dans l'espace. S'agrandir le brouillard, et je sais que tu sais qu'il est déjà trop tard. Hey, c'est déjà la fin. C'est un peu déplaisant, appelant, désolant, comme nous sommes tous victimes du temps. Ma pauvre Sarah, tu m'as donné ton corps, oui ton corps, oh, oh, oh, oh. S'agrandir le brouillard, et je sais que tu sais qu'il est déjà trop tard. Yeah, je n'y suis pour rien, non pour rien, car tout change, tout casse, et tout passe, et tout lasse. Le désir, le plaisir se dilue dans l'espace. Yeah, je n'y suis pour rien, non pour rien, car tout change. Et tout casse, et tout passe, et tout lasse. Mais je n'y suis pour rien, en pour rien. Car tout songe, et tout casse, et tout passe, et tout lasse. Mais je n'y suis pour rien, en pour rien. Maintenant. Maintenant tapez dans vos mains. Maintenant tapez dans vos mains. Je n'y suis pour rien. Oh là là. Car tout change, tout casse, et tout passe, et tout lasse. Le désir, le plaisir, et des luttes dans l'espace. Hey, je n'y suis pour rien. Hey, je vous aime. Je vous aime.

présent, on se retrouve en l'an 2000 à l'Olympia avec le titre « Cet homme que voilà », extrait de l'album « Solitude à deux » qui est à la 12e place de ce classement. Et tu vas m'écouter. La femme que je m'aimais, tu me l'as fait quitter. Et je suis devenu cet homme que voilà. Et me voilà perdu, perdu de remords pour n'avoir jamais su résister à ton corps. Tu ne le verras plus, cet homme que voilà. Je vais laisser la place, je plains mon successeur. Un jour, quoi que tu fasses, et tu feras son malheur. Tu te rappelleras cet homme que voilà. Je connais ton programme, je vois ton avenir. Je te réclame que tu vas faire souffrir. Tes jolis yeux sans âme me dégoûtent l'avenir. Va détruire le bonheur, c'est ton travail sur terre. Va faire couler les pleurs. Ton joli corps sans cœur. je vais m'amuser, c'est ma fête. Je fais ce qui me plaît, donc je vous présente ce soir le classement des 30 titres préférés de Johnny Hallyday qui peuvent changer d'un jour à l'autre, comme je vous ai pu le dire tout le long de cette soirée. Je vois qu'il y a des titres que j'aurais pu mettre dans le top 10, par exemple, ou Ma Jolie Sarah, par exemple. Mais on va retrouver maintenant un titre de 1978, même album que la chanson qu'on vient d'entendre, Cet homme que voilà. Voici Revoilà ma solitude, donc l'adaptation par Michel Mallory d'une chanson de Kenny Rogers, Sweet Music Man. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. en live encore une fois. Et là, on rentre dans le top 10. Le top 10 de mon classement. Voici tout de suite en live, bien entendu, Johnny Hallyday en 1981 avec Deux étrangers. Et encore une fois, c'est une reprise de Bob Seger. En détruisant notre amour, et dommage, en tempête, on s'est perdu à chacun notre tour. Et après tant d'amour, et après tant de jeu, il meurtre de nous Oh, sur le plateau de Taratata en 1994 avec ce titre Full for the Blues, extra de l'album Rough Town. Full for the Blues, 9e position. Baby, I know you've been lying. I can see it in your smile. Oh, it's like a drug now. You're addicted to the blues. Time will heal, but I know I'm the way I feel. The way I feel, empty souls and broken hearts we don't choose. I'm still a fool for the blues. Oh, those bitter words. How'd I hurt me, baby? Or did someone hurt you bad? Oh, all of this pain. Oh, we have inside us all. On va retrouver une chanson sur laquelle on peut chanter à fond. Je sens que j'aime régulièrement vous diffuser lors de cette émission Johnny B à Z. Voici L'amour à mort, John A.D. C'était cette fois-ci au théâtre Beacon à New York en 2014. Qui veut quitter les siens partout dans de courage. On n'a plus peur de rien quand le feu se propage. Chaque vie je fais.

ami qui pourrait chauffer ma vie, pour m'aider à oublier que je t'aimais. À présent, on arrive dans le top 5 de ce classement, le classement que j'ai concocté pour l'occasion de la série Podcast 51 avec Francis Chaillet et avec Jean-François Chenu. Voilà, c'était ce que j'avais concocté en juillet dernier. Ça peut changer, bien sûr, tout peut changer le classement. Voici entre autres, en position numéro 5, Montpellier, extrait de l'album Quelque part un aigle. Vous êtes en forme? Romain? Romain veut chanter une chanson, une nouvelle chanson, qui depuis que je la chante me crée quelques petits problèmes sur la route. Avec messieurs les flics. Hier j'ai pris le 130 à Montpellier. J'ai souri au radar photographié. Les flics m'ont dit Johnny tout de même. Mais y'a donc personne que tu aimes. En direct tu veux tuer. Moi ça m'a fait marrer. 4 heures après dans un bar à Paris, une fille m'a dit tu m'offres un whisky. Pour les chanteurs c'est trop facile, qu'ils m'ont dit les 4 débiles. Ta gueule on va te la casser, moi ça m'a fait marrer. Je suis comme ça, pas me changer. Un jour tu vas craquer, moi ça m'a fait marrer. J'suis pas du genre micro, bravo dodo. J'aime bien terminer tard mon numéro. Je vais jusqu'au bout de la nuit, parfois jusqu'au bout de l'ennui. Et quand je veux m'engueuler, moi je me fais marrer. Comme ça, je peux pas me changer. Une pierre qui va, un ange en danger. J'ai de la courte sur ma vie, un bras de fer avec l'envie. Le bon tranquillité est étranger. Oui, je suis en sursis d'un ange en danger. Oui. J'ai pris le 130 à Vélizy. Le sourire au radar photographié. Les flics m'ont dit Johnny Tooman. Mais y'a donc personne que tu aimes. On dirait que tu veux tuer. Moi ça m'a fait marrer. Mais je suis comme ça. Je peux pas me changer. Une pierre. étranger. Je vis en sursis d'un ange en danger. Oh ouais. Johnny Avelizé en 1982. On va arriver maintenant dans le top 4, hein, avec un titre qui est extrait de l'album La Terre Promise de 1975. Oui, oui, oui. C'est une chanson sur laquelle on va encore chanter. Du moins, je vais chanter. Alors vous, peut-être, faites ce que vous voulez à la maison. Réveillez les voisins et chantez avec moi alors. Voici Une fille sans importance. C'est une fille sans son cœur. Quelquefois.

pour que j'aime le silence, qu'on me fasse du discours et toucher la misère, pour respecter l'argent. Et pour que j'aime être sain, vaincre la maladie. Qu'on me donne la nuit, pour que j'aime le jour. Qu'on me donne le jour, pour que j'aime la vie, pour que j'aime aujourd'hui, oublier tout. Bien avant l'ennui, j'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient appris et qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Comme je donne l'envie, l'envie d'avoir envie, quand je vivrai dans la vie. Sur cette émission spéciale classement, mes titres préférés de Johnny Hallyday. Oui, mais ça changera peut-être pour l'année prochaine. Il y aura un autre classement, bien sûr. Tout peut changer à n'importe quel moment. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à cette émission et de l'avoir écouté, surtout écouté. Et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission Johnny de A à Z et nulle part ailleurs ici sur RIG. Bonne nuit à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao.